La mort de Jésus. De plus en plus de gens ne supportent plus ce que Jésus dit ou fait. Mais Jésus continue à accueillir les petits et les pécheurs contre l'avis de ceux qui se croient parfaits. Les ennemis de Jésus vont l'arrêter et le faire condamner à mort. Jésus ne se défend pas. Il accepte de donner sa vie pour montrer que l'amour est plus fort que la haine. Jésus est acclamé. Jésus sait qu'il a de nombreux ennemis. Mais malgré les dangers qui le guettent, il décide de se rendre à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Alors qu'il est presque arrivé, il demande à deux de ses disciples « Allez au village d'à côté. Il y aura un petit âne attaché à l'entrée. Amenez-le-moi. Si quelqu'un vous fait une remarque, répondez que le Seigneur en a besoin. » Les disciples obéissent. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau, et Jésus s'assoit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leur manteau, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni le règne qui vient, celui de notre père David ! Hosanna au plus haut des cieux !» Jésus entre ainsi dans Jérusalem, acclamé comme un roi. Les vendeurs chassés du temple. Jésus et ses disciples vont au temple de Jérusalem. Une foule de marchands est installée dans la cour. Ils vendent des colombes pour les sacrifices, changent de l'argent. En les voyant, Jésus renverse les tables et met tous les étalages sans dessus-dessous. Les pièces roulent par terre. Quel désordre ! Jésus chasse les marchands en leur disant « Ce temple est une maison de prière et vous en faites un repaire de brigands !» Les grands prêtres et les scribes sont furieux. Cette fois-ci, Jésus dépasse les bornes. C'est décidé, débarrassons-nous de lui. Le dernier repas de Jésus. Bientôt, ce sera l'heure du repas de la grande fête de la Pâque. Jésus demande à deux de ses disciples de préparer ce qu'il faut. Le soir venu, Jésus se met à table avec les apôtres, ses amis les plus proches. Et là, voici ce qui se passe. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Puis prenant la coupe et rendant grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude. » Les apôtres ne comprennent pas bien, mais ils sentent que c'est très important et ils le gardent au fond de leur cœur. Le lavement des pieds. Pendant le repas, Jésus se lève de table et met un tablier. Il prend une bassine, il y verse de l'eau, et il commence à laver les pieds de ses amis. D'habitude, c'est le travail des serviteurs. Pourtant, personne n'ose rien dire. Sauf Pierre. Il proteste. « Ah non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds, ça jamais !» Jésus lui répond, « Alors tu ne peux pas me suivre. » Pierre change aussitôt d'avis, « Alors Seigneur, lave-moi aussi les mains et la tête !» Jésus lui dit, « Celui qui sort du bain n'a pas besoin de se laver de nouveau, car il est tout propre. Je vous connais. Je sais que vos cœurs sont propres. » Quand Jésus a terminé, il rejoint ses amis à table. Il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison. Alors si moi, le maître et le seigneur, je deviens votre serviteur, vous aussi, soyez les serviteurs les uns des autres. » Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jésus à Gethsémani. Après le repas, Jésus et ses apôtres se rendent au mont des Oliviers, tout près de Jérusalem. Il commence à faire nuit. En chemin, Jésus annonce « Vous allez tous m'abandonner, mais je vais ressusciter après ma mort et je vous retrouverai. » Pierre est révolté. Il s'écrie, « Même si tout le monde t'abandonne, Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas. » Jésus lui répond, « Cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu auras dit 3 fois que tu ne me connais pas. » Pierre insiste, « Jamais je ne ferai une chose pareille, même si je dois mourir. » Et tous les apôtres disent la même chose. Au pied du mont des Oliviers se trouve le jardin de Gethsémani. Jésus va prier un peu à l'écart et il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il leur confie « Mon cœur est noir de tristesse. Restez avec moi et priez. » Jésus s'éloigne alors un peu et tombe à genoux. « Mon Père, tout est possible pour toi. Je t'en supplie, ne me laisse pas souffrir. Mais ce que tu veux est plus important que ce que je veux. » Puis Jésus se retourne vers ses disciples. Ils dorment. « Pierre, comment peux-tu dormir? Réveillez-vous et priez, mes amis. » Puis Jésus s'éloigne de nouveau et recommence à prier son Père de la même manière. Il va trouver ses disciples. Ils se sont rendormis. Une 3e fois, il revient les voir et il leur dit « C'est fini. Levez-vous. Celui qui me trahit est ici. » L'arrestation de Jésus. Judas, l'un des apôtres de Jésus, arrive à ce moment-là avec des soldats armés d'épées. Il leur a dit « L'homme à qui je donnerai un baiser, c'est lui que vous arrêterez. » Judas embrasse alors Jésus. Aussitôt, les soldats se précipitent sur lui et l'enchaînent. Les apôtres de Jésus sont paniqués. Ils s'enfuient en courant. Jésus devant le Grand Conseil. Les soldats amènent Jésus devant le Grand Conseil qui réunit les chefs religieux les plus importants autour du grand prêtre Caïphe. Ils cherchent des choses très graves à reprocher à Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Le grand prêtre Caïphe se lève et s'adresse à Jésus. « Dis-nous si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi qui le dis. Moi, je vous déclare que vous me verrez bientôt aux côtés de Dieu. » Caïphe s'écrie, « Vous avez entendu ce qu'il a osé dire? Qu'il est l'égal de Dieu? Qu'en pensez-vous ? » Tous répondent, « Il mérite la mort !» Alors certains lui crachent au visage, d'autres le frappent et le giflent. L'abandon de Pierre. Pierre a suivi de loin les soldats qui ont emmené Jésus. Il reste dehors, devant la maison de Caïphe, avec les serviteurs. Une servante le regarde de près et s'exclame, « Tu étais avec Jésus, toi aussi !» Pierre ment, « Non, je ne le connais pas. » Peu après, un autre serviteur le voit et dit, « Toi aussi, tu fais partie des amis de cet homme. » Pierre répond, « Non, non !» Une heure plus tard, un 3e serviteur reprend, « Je suis sûr que tu étais avec ce Jésus, et d'ailleurs, tu as l'accent de Galilée. » Pierre répond, « Je ne comprends rien à ton histoire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre, et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Jésus devant Pilate. Les ennemis de Jésus le conduisent au palais du gouverneur romain, Pilate. Il leur demande, « De quoi accusez-vous cet homme? Si c'est à propos de votre religion, réglez cela entre vous. » Les gens lui répondent, « Nous n'avons pas le droit de faire mourir quelqu'un. » Pilate interroge alors Jésus, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répond, « Mon royaume ne ressemble pas au royaume que tu connais. Sinon, mon armée aurait combattu pour moi. » Pilate reprend, « Alors, tu es vraiment un roi. » Jésus lui dit, « Je veux montrer aux hommes le chemin de la vérité. Ceux qui cherchent la vérité m'écoutent. » Pilate s'adresse de nouveau aux ennemis de Jésus. « Moi, je ne trouve rien à reprocher à cet homme. C'est la fête de la Pâque, et je libère toujours un prisonnier à cette occasion. Voulez-vous que ce soit Jésus ?» Mais les gens crient, « Pas lui ! Libère Barabbas !» Barabbas est un bandit. Alors Pilate ordonne que Jésus soit fouetté. Peut-être que cela suffira à ses ennemis. Les soldats romains se moquent de Jésus. Ils lui mettent une couronne d'épines sur la tête, puis ils le frappent. Après cela, Pilate montre Jésus à la foule. « Je vous répète que je ne vois aucune raison de le condamner à mort. » Mais les gens se mettent à crier « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pilate répond, « Faites-le vous-même. Moi, je n'ai rien à reprocher à cet homme. » Les grands prêtres insistent, « Selon notre loi, il doit mourir, car il ose dire qu'il est fils de Dieu. » Pilate voudrait bien libérer Jésus. Mais les gens lui disent, « Puisque cet homme affirme qu'il est roi, il est l'ennemi de l'empereur. Si tu le libères, tu trahis l'empereur, notre maître. » Alors, Pilate abandonne. Le bandit Barabbas est libéré. Jésus va mourir. La crucifixion. Jésus est chargé de sa croix. Il doit la porter jusqu'à l'endroit où il va être mis à mort. Mais la croix est si lourde que les soldats romains obligent un homme, Simon de Cyrène, à aider Jésus. Une grande foule les suit. À l'endroit appelé Calvaire, on met Jésus en croix avec deux bandits. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Au-dessus de la tête de Jésus, un écriteau explique pourquoi il a été condamné. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Certaines personnes ricanent. Il a fait des miracles, il a guéri des gens. Eh bien, il n'a qu'à se sauver lui-même s'il est vraiment l'envoyé de Dieu. L'un des deux bandits crucifiés à côté de Jésus l'insulte. N'es-tu pas le Messie? Sors-toi de là, et nous avec! Mais l'autre condamné n'est pas du tout d'accord. Jusqu'au bout, tu te moques de Dieu. Toi et moi, nous avons mérité cette punition, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Jésus lui répond, « Amen. Je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Jésus confie sa mère à Jean. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. La mort de Jésus. Il est midi, mais il fait noir comme si c'était la nuit. À 3 heures, Jésus crie d'une voix forte, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, Jésus meurt. Le centurion, le chef des soldats romains qui est là au pied de la croix, s'écrie, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu !» Le sang et l'eau. Le sabbat va bientôt commencer, et on n'a pas le droit de laisser des corps en croix. Alors, les soldats vont briser les jambes des condamnés pour les faire mourir plus vite. Quand ils voient que Jésus est déjà mort, ils le frappent sur le côté d'un coup de lance. Il en sort du sang et de l'eau. La mise au tombeau. Joseph d'Arimathie, un homme riche, ami de Jésus, va trouver Pilate et lui demande le corps de Jésus. Joseph enveloppe le corps dans un grand tissu, un linceul, et il le dépose dans un tombeau. Il roule une grosse pierre à l'entrée, puis il part. Des femmes, amies de Jésus, regardent où on a mis son corps. Les ennemis de Jésus vont voir Pilate. Cet homme a dit qu'il ressusciterait après sa mort. Si ses disciples viennent voler le corps, les gens croiront n'importe quoi. Alors, Pilate leur donne des soldats pour garder le tombeau.